Frère Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Je devais remplir une mission. Mais j'y ai renoncé. Je vous aime beaucoup tous les quatre. Quel genre de mission? Piéger votre voiture. Pour qu'elle explose. Quand vous tourneriez la clé de contact. Les pasteurs disent que vous répandez des contre-vérités sur Ilja Mohamed. Ils disent que vous êtes le pire des hypocrites, que vous êtes un Judas. Le pire des traîtres.